n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la vie, allez vous faire foutre. Comme un frère pour moi, et je prends sur mes genoux et danse avec moi, car je pars en friche, rafraîchis-moi. Tout ton soleil et ton air froid, toi qui es facile à vivre, on veut jamais. Entre 20 nuits, tu restes m'accompagner. Un mois sur 12, ça ne suffit pas. 11 mois de nous, je m'y fais pas, non, non. Les rouges, le vin est là, mais moi je suis où? Mais je suis dans tes bras, je suis à tes pieds quand t'es pas là. Mais à moi sur 12, ça ne suffit pas. 11 mois de 12, je ne m'y fais pas, non, non. T'es trop tente et je suis gourmand, mais tes boucles d'or, je suis pas prince charmant. Tu laisses plus partir maintenant, mais un mois sur 12, ça ne me suffit pas. 11 mois de loup, je ne m'y fais pas, non, non. Wow, wow, wow. Je ne m'y fais pas, et un mois sur deux, ça ne suffit pas. 11 mois de deux, je ne m'y fais pas.